Cartel Records. Les amours vont attraper la conjonctivite. Tu me demandes de percer, je t'en réponds pas si vite. Laisse-les tomber dans le puits, sans l'aide de l'estrapoise. Tu verras qu'on n'y repensera plus. J'ai l'écriture pour esquiver les snipers en infrarouge. Dédicace à mes malfrats qui vendent par centaines. Non vrai, je crois que c'est ça qui est louche. On n'a pas grandi dans l'espoir d'un miracle. Notre pouvoir, je crois que c'est l'obstacle. Toujours foiré dans un triste spectacle. Pour évacuer ses tripes, celui à la pluie, tu es l'entrée la tripe. Je pratique pour la danse du flamenco. Et ni la salsa, en vérité on est tous dégo. À ma mort, je te montrerai tout parce qu'on rappe à la NASA. Ouais, pour l'instant, la lampe est lumineuse. Mon fond s'écarte des vipères vénéneuses, hein. Un film sans musique, ça existe pas. Un crime sans tunique, ça excite pas. Obligé d'enfreindre le règlement, de traverser la passerelle. On va pas à l'école, alors on fait en sorte de pas faire de faute. En tournant la page d'un pécherel, une écriture qu'on va prononcer. Deviens pas trop connu, tu risques de te faire menacer. Faut s'évader, mais comment le faire? En restant stand by, pareil que l'ampèce bande. C'est taille sans jarboy. Faut prendre ses ailes, s'imposer, se détacher. Arrêtez de causer pour moi se fâcher. Perdu dans une désynchronisation totale. Des verbalisations calmes, les choses opposées, se feront toujours la guerre. Mais plus de costaud, ils n'ont plus le poteau, les rois s'armoto. Laisse-moi regarder sous ma peau, mon hématome. Quoi qu'il arrive, on voit mes fantômes. Des pulsions musicales à l'aube. Je fais en sorte de m'appliquer, j'écoute pas de la dope. Tu veux savoir ce que je fais dans la vie? Je suis pas comptable, je dors quand je rappe. Sur son toit, sur mon lit, on te passe à table. Rien à perdre, les échecs, on les a gravis. Notre mentalité devient lamentable. Je t'assure, c'est la vie qu'on a. Une vérité que je mène. Capuché sur la tête, un bandana. Papa, pas de pull en laine. Eh, ok. De te fais ski. Eh, tout sacré. Voilez-moi ça qui est pas ça.